Au galop, les danseurs envahirent les allées. Haletant, souriant et la face rouge, ils défilaient dans un tourbillon qui soulevait les robes avec les basques des habits. Les trombones rugissaient plus fort. Le rythme s'accélérait. Derrière le cloître Moyen-Âge, on entendit des crépitations. Des pétards éclatèrent. Des soleils se mirent à tourner. La lueur des feux de Bengale, couleur d'émeraude, éclaira pendant une minute tout le jardin. Et, à la dernière fusée, la multitude exhala un grand soupir. Elle s'écoula lentement. Un nuage de poudre à canon flottait dans l'air. Frédéric et Delaurier marchaient au milieu de la foule, pas à pas, quand un spectacle les arrêta. Martinon se faisait rendre de la monnaie au dépôt des parapluies. Il accompagnait une femme d'une cinquantaine d'années, laide, magnifiquement vêtue et d'un rang social problématique. « Ce gaillard-là, dit Delaurier, est moins simple qu'on ne suppose. Mais où est donc Sizi ?» Dussardier leur montra l'estaminet où ils aperçurent le fils d'Épreux devant un bol de punch en compagnie d'un chapeau rose. Hussonnet, qui s'était absenté depuis 5 minutes, reparut au même moment. Une jeune fille s'appuyait sur son bras en l'appelant tout haut « Mon petit chat !»« Mais non, lui disait-il, non, pas en public. Appelle-moi Vicomte, plutôt. Ça vous donne un genre cavalier, Louis XIII et Bottemolle, qui me plaît. »« Oui, mais bon, une ancienne, n'est-ce pas qu'elle est gentille ?» Il lui prenait le menton. « Salut ces messieurs, ce sont des fils de pair de France. Je les fréquente pour qu'ils me nomment ambassadeur. » « Comme vous êtes fou !» soupira mademoiselle Van Naz. Elle pria Dussardier de la reconduire jusqu'à sa porte. Arnoux les regarda s'éloigner, puis se tournant vers Frédéric. « Vous plairait-elle, la Van Naz ? Au reste, vous n'êtes pas franc là-dessus. Je crois que vous cachez vos amours. » Frédéric, devenu blême, jura qu'il ne cachait rien. « C'est qu'on ne vous connaît pas de maîtresse, » reprit Arnaud. Frédéric eut envie de citer un nom, au hasard. Mais l'histoire pouvait, lui, être racontée. Il répondit qu'effectivement, il n'avait pas de maîtresse. Le marchand l'emblâma. « Ce soir, l'occasion était bonne. Pourquoi n'avez-vous pas fait comme les autres, qui s'en vont tous avec une femme ?»« Eh bien, et vous ?» dit Frédéric, impatienté d'une telle persistance. « Ah, moi, mon petit, c'est différent. » Je m'en retourne auprès de la mienne. » Il appela un cabriolet et disparut.